Je suis tombée sur un trésor. Et tu m'as dit ne pleure plus. T'as pris mes larmes et t'en as fait de l'or. Laisse-moi te faire une confidence. T'as éveillé tous mes sens. T'assumes la femme que je suis quand j'y pense. Le mot m'a pris tout son sens. Je t'avoue tout ça. Si m'est un crime, je serais coupable. Et j'aurais pris perpète si on se loue ou pas. Y'a que la mort qui pourra stopper tout. Ça et tu le sais. Tu me rends mais tu fais semblant. Tu sais que t'as touché mon petit cœur. J'ai trouvé ta route, main dans la main, coûte que coûte. Y'aura pas de coude à coude. On cherchait sa coule de source. Pour ça que j'ai trouvé ta route.